Bonsoir, bonsoir, il est presque 9h et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre avec un petit coup de chapeau à Jean-Michel Jarre qui était dans nos studios, j'allais dire, qui était sur Lyon pour présenter son nouveau bouquin et non pas son nouveau disque. Ses mémoires qui sont fort intéressantes et donc il est passé pour expliquer un petit peu ses débuts, son enfance à Lyon, et c'était passionnant. Une interview suivra dans le prochain Acid Dragon. J'ai voulu faire un petit coup de chapeau et également passer un des albums que j'ai beaucoup aimé dans sa longue carrière. Chronologie, ça date de 93. Voilà, et c'est également l'occasion, je viens de l'apprendre tout juste, de faire un petit coup de chapeau à ma nounou qui nous a quitté. Voilà, Claudine, c'était pour toi. ce jour sur une chatte siamoise du sang artificiel, chimiquement et moralement pur. Les sociétés ITT et Honey Weibull viennent de fusionner et l'on peut voir ce jour à New York l'assassinat réel d'une jeune femme de 18 ans après une orgie sirupeuse. Le prix des places est fixé à $100. On a inoculé ce jour sur une chatte siamoise du sang artificiel, chimiquement et moralement pur. Les sociétés ITT et Honeywell Bull viennent de fusionner et l'on peut voir ce jour à New York l'assassinat réel d'une jeune femme de 18 ans après une orgie sirupeuse. Le prix des places est fixé à $100. $100 pour voir un meurtre. Et pourquoi pas 200 pour deux meurtres. Et le 9 août 69 à Beverly Hills, combien de dollars pour une telle cruauté. Et demain peut-être une vie entière. Mais les banquiers seront-ils assez riches? Ont-ils remarqué ce type sur ce banc qui ne cesse de se demander? Et après? Et après? Et après? We'll be right back. close to you. You know that you love me the way I do. You know that there's every way I need you. You know that you're dancing in the afterglow of you. It's all around me, everywhere. Love has come to touch my soul with someone who really cares. No one can deny us. People who once passed me by will turn their heads round. A feeling that I could not see or touch or try to hide. My love is in and around you. Hey, I bless the day that I found you. So donc après Jean-Michel Jarre, chronologie de 93, je vous ai concocté un début de Back to the Past, de quelques petits trésors enfouis du passé, avec en première instance Mémoriance. Mémoriance, un groupe du Havre, un album qui s'intitule Et après, sorti en 1976, deux albums au crédit de ce groupe, donc normand. Le deuxième, L'écume des jours, est à mon avis anecdotique, alors que c'est après, ce Et après est fort intéressant, notamment avec son côté atoll. Ensuite, eh bien, on est parti en 68 avec un groupe qui s'intitule Small Faces. Les Small Faces, autour de Steve Marriott, ont concocté un petit bijou de progressive psychédélique ou de psychédélique prog. J'ai toujours à cœur de chercher un petit peu des doublons des chapitres 2 de Sgt Pepper's. Et c'en est un, c'est pas aussi bien, mais on retrouve quand même la patte, la démarche, la recherche des Fabulous Four, des Fab Four de Liverpool chez ces Small Faces. 68, le titre de l'album, une pochette superbe avec une boîte à tabac, et le titre, alors attention, Hog Dance, Not Gone Flake. Voilà pour les Small Faces. On passe maintenant à un groupe toujours british, avec quand même un musicien belge, le violoniste de ce groupe qui a fait danser plus d'un sur Daydream. Ça y est, vous voyez tout de suite à quel groupe je pense. Eh bien, tout de suite, donc, un extrait de d'Esperanto, un deuxième album de 75, Last Tango. Tout de suite, Esperanto, Last Tango. Thank you. Certainly, she suffered. Esperanto, groupe donc créé notamment par donc Raymond Vincent, le violoniste du groupe Wallace Collection. Voilà, Daydream, c'est eux. Un album produit par Peter Sinfield, ça va vous parler, je pense. Hein, King Crimson, Emerson, Lake et Palmer. Donc, voilà un groupe très intéressant, très classisant, hein, on a pu le remarquer. Je reviens un petit peu en arrière parce que je suis passé un petit peu vite. Donc, les Small Faces, groupe formé autour du guitariste Steve Marriott. Steve Marriott. Bon, Memoriance, je ne reviens pas. Je vous ai dit d'où venait le groupe et le nombre d'albums produits par ce groupe normand, pardon. Et sur Jean-Michel Jarre, juste préciser que le solo de guitare est tenu par le grand Patrick Ronda. Voilà, maintenant on va passer au coup de foudre de votre humble serviteur. J'ai trouvé ça au salon du disque, ça s'intitule Beyond the Beyond, deuxième album, on va dire posthume, du groupe britannique Fantasy, avec un accent anglais ça donnerait Fantasy, et Fantasy avait sorti un album fort intéressant en 73 intitulé Paint a Picture, où on trouvait à la fois des influences de Barclay James Harvest et des Moody Blues. Bon, je tombe sur cet album qui était resté donc inédit, et qui avait été enregistré en 74 et que le label de l'époque avait refusé de publier. Pourtant, on n'était pas en période punk, mais non, ils n'ont pas daigné vouloir publier ça. Je me suis dit, bon, ça va être des fonds de tiroir, ça va être des démos, ça va être des petites choses, etc. Et la grande claque, c'est encore mieux que Paint a Picture, c'est vraiment de la grande, grande classe. Et je vous propose, à mon avis, le meilleur morceau qui dure 9 minutes. Vous allez pouvoir, je pense, apprécier. Je cherche le CD pour vous donner le titre du morceau. Alandery. Donc, Fantasy. Et l'album s'intitule Beyond the Beyond. We'll be right back. Fantasy, fantastique fantasy. Beyang de Beyang, tout y est. L'orgue, le mélotron, les effets. Une petite influence de Genesis bienvenue. Voilà, un pur joyau. Et c'est comme ça sur tout le disque. Hein. Il y a vraiment de quoi se régaler. On part de l'autre côté des Pyrénées avec un groupe espagnol qui a très bien démarré sa carrière pour finir après dans des choses beaucoup moins intéressantes, en tout cas d'un point de vue progressif. Je veux parler de Topo, T-O-P-O. J'ai trouvé lors d'une visite à Figueras la réédition vinyle de leur premier album de 79 et je vous propose un long extrait de 6 minutes. Ah, c'est pas si long que ça. En tout cas, le morceau numéro 3 de 6 minutes. Topo! La catedral flota en el espacio y miles de naves acuden en peregrinación. Se ha producido un milagro. Confiando en mí, si queréis ganar. parler, non, non, non. Évidemment, si vous tenez absolument à commencer par la fin, la conversation va tourner court. Sur sol 100.7. Ils sont talentueux, ces petits Espagnols, hein, Topo. Premier album de 79, un titre qui s'intitule La Cathédrale, le titre du morceau. Voilà, il est 10h et des poussières, ou pas tout à fait, mais on n'est pas très loin de 10h, et on va passer aux nouveautés, New Albums, avec le retour bien sympathique des Américains de Jam Carrette. Je les aime bien, ils font vraiment des albums très intéressants. Voici un Sky Full of Stars for a Roof. A Sky Full of Stars for a Roof. Un large extrait que je vous propose et je ne me suis pas fatigué du tout. J'ai pris le morceau éponyme, le morceau qui a donné le titre à l'album. Tout de suite, un ciel plein d'étoiles en guise de toi. quand je vous disais que ces Américains de Jam Carrette avaient du talent, on a pu le sentir avec ce Sky Full of Stars from a for a Roof. C'est des gens qui sont donc de Californie et qui sortent régulièrement des albums. Je ne sais plus combien ils ont fait d'albums, mais c'est hallucinant. Et il n'y a pas un album qui se ressemble. Donc vraiment des gens talentueux. Jam Carrette. On va continuer dans le planant psychédélique. Décidément, c'est la note de ce soir. Ça tombe bien avec mon humeur, puisque je disais tout à l'heure que j'étais assez bouleversé avec le départ de Claudine, qui est allée tutoyer les étoiles. On va partir avec les Belges Quantum Fantais. Quantum Fantais, les fidèles connaissent bien ce groupe proche du psychédélique moderne. Je suis en train de chercher le nom de ce groupe, ça va me revenir. Et donc, ils nous font énormément. Osri Tentacles, voilà, merci pour les petites cellules grises qui se sont maintenant réveillées. Osri Tentacles, donc c'est un groupe un peu l'héritier de ce groupe psychédélique anglais. Donc Quantum Fantais, ils reviennent, ces Belges reviennent avec un album intitulé Yemaya Orisha. Me demandez pas ce que ça veut dire, j'en suis incapable. Yemaya Orisha, je vous propose 12 minutes pour découvrir leur nouvel opus. Thank you. Voilà, c'est très beau tout ça, ça plane pour moi. Quantum Fontaine, dernier opus des Belges, Yemaya Orisha. Voilà, il est temps pour moi de rentrer dans mon maison. Avant quelque chose de très important, je vous rappelle que dimanche 10 novembre, dimanche prochain quoi, concert de The Musical Box. Vous savez, ces Canadiens qui reprennent avec énormément de bonheur le Genesis époque Peter Gabriel. Donc je les ai vus déjà deux fois et c'est absolument fabuleux. Ils jouent comme Genesis de l'époque. Même certains musiciens de Genesis ont dit même mieux que nous. C'est dire. The Musical Box sera à Lyon dimanche 10 novembre. Ne ratez sous aucun prétexte. Voilà, c'est à la Bourse du Travail, si j'ai bonne mémoire. Donc, The Musical Box, un moment de luxe garanti. Je vais vous donner rendez-vous le lundi 2 décembre pour l'émission de décembre de Prog à part. D'ici là, l'émission de novembre que vous venez d'entendre avec plaisir, j'espère, sera en ligne, en podcast, comme d'habitude, hein, sur le site d'Acid Dragon. Vous allez sur aciddragon.eu, Acid Dragon avec 2D, Acid et Dragon, et vous cherchez Prog à part, et après, vous allez tomber sur le site dédié. Il y a... je ne sais plus, mais un nombre invraisemblable d'émissions stockées, à la fois des vieilleries, hein, et donc des archives, et l'émission de ce mois. Voilà, elle sera en ligne demain ou après-demain, en qualité HQ, haute qualité, puisque c'est enregistré in the studio. D'ici là, eh bien, également, Acid Dragon sera sorti, avec notamment interview exclusive de Green Slade, auteur, je le rappelle, du générique de Prog à part, interview de Jean-Michel Jarre, comme je le signalais tout à l'heure, et plein d'autres choses. Une chronique très intéressante sur Pink Floyd à Amougy en 69, des chroniques en veux-tu en voilà, des retours de concerts. Voilà, il y a de quoi s'en mettre plein la vue pour 4 petits euros. C'était Prog à part, une émission mitonnée par Thierry Sportouche. Avec le soutien logistique de Christian, de Michel et bien sûr de Roland Rock. Ciao, ciao.